Before we join Hélène in the eating room, la salle à manger, here are three new words. Delicious, délicieux, are, as in they are, sont, and the croissants. Les croissants. Listen again. Écoutez encore. And this time. Et cette fois. And this time, repeat. Et cette fois, répétez. Délicieux. Les croissants sont.